Madame, madame. Oui. Mon vie, j'ai où en saver. Tiens-moi. Où chie. Que c'est gâté. Mais moi, si moi, tu gagnes, ou moi, tu pouvais une fou. Ah bon? Quand ma tête de ou dans mon esprit, moi, je pense à où. Les cœurs contents. Ah, moi aussi, moi les cœurs contents.